neige sur Madrid. Il neige sur Madrid, Madrid. Lisbonne est libérée et c'est le mois de mai, de mai. La radio parle encore du Vietnam. Au Vietnam, un photographe est mort. Et toi, tu dors. Mais drôle de temps, de printemps, dans 20 ans, quel printemps aurons-nous? Le printemps, nous en souviendrons-nous? Dis, qui sait si les lilas refleuriront? Il neige sur Madrid, il neige sur Madrid, Madrid. Venise va s'engloutir et les arbres se meurent, se meurent. À Paris, on se bat presque plus. À Paris, Monsieur Freinet est mort et moi je dors. Mais drôle de temps, de printemps, dans 20 ans, quel printemps aurons-nous? Le printemps, nous en souviendrons-nous? Dis, qui sait si les lilas refleuriront? Il neigeait sur Madrid, il neigeait sur Madrid, Madrid. Aurons-nous des enfants qui verront le printemps? Printemps. La radio passe encore du Dylan, Bob Dylan est bien loin d'être mort et nous on dort. Dans 20 ans, quel printemps aurons-nous? Le printemps, nous en souviendrons-nous? Dis, qui sait si les lilas refleuriront?